Je rappe pour les blocs, je rappe pour le club, je rappe ma passion, exprime mes sentiments. Exorciser les frustrations, relations, trahison, le cœur, la raison pure, combinaison, toute émotion, la rime comme expression. Ma mine d'or, synonyme fort, seul moyen d'expression que j'arbore. Je peins ma foi sur beat, Allahu Akbar. Mes sentiments déclinés dans tous leurs états, de la rime Beretta, cher ou rime clean. Comme un Chiamo Loretta, ma rime codée, PRINCE, quand j'appelle, rime old school, sous choc. Je sais pas si tu te rappelles du message au festif, rime sincère, positive, que du bon, du classique pour ton système auditif. Rime barbare, brut, pas d'occasion. Excuse du peu coup si je viens shooter les langues de pute à l'occasion. Le rap, la voix du peuple, son pilier, le public de base. Sur terre aride, je cultive mon art, ses racines plantées dans mon âme. Je pars un truc, je rappe pour les blocs, je rappe pour le club, je rappe ma passion, exprime mes sentiments. Exorciser les frustrations, relations, trahison, le cœur, la raison pure, combinaison, toute émotion, la rime comme expression. Avec rage, je m'adresse à la base, t'envoie le message. Fais bouger la masse, même sans toucher ma liasse. La rime pure, je cultive mon art avec amour. Hey, walk and break, ouais, la mort. Donne-moi un chrome et une plume, je résume. J'exprime ce qui m'anime, ma rage, ma arme, que je narre, tout un arbre, là ce qui est ma rime. Loin d'être amer, je lutte hard avant qu'il se meure. La rime à mine d'or, intarissable, je rappe avec le cœur. J'ai la rime rude, vite, rue des reines. La vibe saoule, rien d'absurde. Sans me résoudre entre tous tes rêves. MC ma mission, tu le but et que le message t'imprime. Tout s'incline, les petits séducs de vraies rimes s'imbibent. Loin d'être un guide rebelle, la rime mon arme. Ma rime un cri, l'amour, la passion, la harme. Le rap, la voix du peuple, son pilier public de base. Sur terre aride, je cultive mon art, ses racines plantées dans mon âme. Je pars un truc, je rappe pour les blocs, je rappe pour le club, je rappe ma passion, exprime mes sentiments. Exorciser les frustrations, relations, trahison, le cœur, la raison pure, combinaison, toute émotion, la rime comme expression. Avec rage, je m'adresse à la base, t'envoie le message. Fais bouger la masse, même sans toucher ma liasse. La rime pure, je cultive mon art avec amour. Hey, walk and break, ouais, la mort. Ma rime une science, l'art du verre, faire pour que ma rime transcende. Ma zig, c'est tout un monde, des règles que je peux pas enfreindre. J'rime vrai, pas de fuite sans âme, ni pipe pour le fun. Tout petit, j'avais des rêves que je peux pas réduire ensemble. La rime fraîche pour pas me noyer dans mes idées sombres. J'garde la foi et j'attends un signe chaque 26 décembre. Le rap, la voix du peuple, son pilier public de base. Sur terre aride, j'cultive mon art, ses racines plantées dans mon âme. La rime fluide, sans flûte, j'fais simple, rien de simple. Plus que l'arrogance efface, place au côté un plus intimiste. Altrui, j'donne tout de ma rime jusqu'à ma chemise, sans jamais baisser froc sur ma dignité. J'ai la main mise, rime à haute voix, tout comme Baba. J'pense pas tout bas, la rime, un reflet du destin. Une vie tracée, mec, tout bas. Le rap, la voix du peuple, son pilier, le public de base. Sur terre aride, j'cultive mon art, ses racines plantées dans mon âme. J'pars un truc, j'rappe pour les blocs, j'rappe pour le club, j'rappe ma passion, exprime mes sentiments. Exorciser les frustrations, relations, trahison, le cœur, la raison pure, combinaison, toute émotion, la rime comme expression. Avec rage, m'adresse à la base, t'envoie le message. Fais bouger la masse, même sans toucher ma liasse. La rime pure, j'cultive mon art avec amour. Hey, walk and break, ouais, mais on est la mort. J'pars un truc, j'rappe pour les blocs, j'rappe pour le club, j'rappe ma passion, exprime mes sentiments. Exorciser les frustrations, relations, trahison, le cœur, la raison pure, combinaison, toute émotion, la rime comme expression. Avec rage, m'adresse à la base, t'envoie le message. Fais bouger la masse, même sans toucher ma liasse. La rime pure, j'cultive mon art avec amour. Hey, walk and break, ouais, mais on est la mort.